Maintenant, on va tout de suite passer à la toute dernière chronique de Vania Jaikin Miyazaki, qui s'appelle La chronique du dernier souffle. Alors Vania, puisque tu es là, est-ce que tu voudrais dire quelques mots sur cette chronique avant qu'on la diffuse? Alors, j'ai pas grand-chose à dire. Il a allumé le micro? Oui. Oui. J'étais juste venue parce que c'était la dernière, mais du coup, je suis prise au piège. J'ai une grande nouvelle, c'est que nous allons tous mourir. Et donc là, j'avais envie de m'intéresser au sujet de plus près. Et ben, l'épisode que vous allez entendre aujourd'hui est tout à fait étonnant. Je me réjouis qu'on l'entende. Et puis peut-être avant de l'écouter, comme la thématique d'Archipel, un des fils thématiques, c'est le souffle. Est-ce que pendant tes visites du festival, pendant les concerts, est-ce que tu as capté quelque chose de ça, que tu as mis en lien avec les chroniques que tu as réalisées ou... Ben, je crois que ce que je peux dire, c'est que beaucoup, beaucoup de gens ont des expériences avec le dernier souffle, parce que c'était vraiment mon radar, hein, moi, j'avançais avec ça. Et Lise Barca, ce qu'on a entendu hier, c'est drôle, parce que moi, quand je lui parlais du dernier souffle, moi, je parlais clairement de la mort, et puis elle parlait de sa cornemuse. Ouais. Et c'était un moment très rigolo. Une jolie métaphore, j'ai trouvé, d'une existence après la mort, en fait. Mmh. Parce qu'une fois qu'elle avait donné, elle, son dernier souffle, et ben, la cornemuse, en fait, elle donnait encore quelque chose, malgré qu'il n'y ait plus rien. Mmh. Alors, on n'a pas réussi à trouver ce son-là. Et puis après, pour nous, les humains, ben, je vois qu'on a... On est beaucoup à avoir des histoires avec ça, plus ou moins louches, plus ou moins irrationnelles. Mais c'est des histoires qu'on raconte très peu. Je me suis retrouvée face à plusieurs personnes qui me disaient « Ah, c'est trop intime, je ne peux pas raconter. Mmh. » Et ça m'a étonnée. Parce que je me dis « Mais... c'est notre seule certitude, les gars. Pourquoi on n'en parle pas ?» Donc voilà, ça fait partie d'un travail beaucoup plus vaste que je suis en train de mener sur ce même sujet. Il y a 2 semaines, j'étais à un séminaire avec un moine tibétain qui enseignait à mourir. Donc voilà, j'ai appris à mourir, si jamais il y a une méthode. Les Tibétains l'ont inventée. Et c'est génial, ça va tellement loin. Waouh. Mais... Grave. Donc on pourrait passer sa vie à mourir. Apprendre à mourir. À mourir. Moi, c'est venu de là, en fait. Un jour, j'étais assise sur mon petit coussin de méditation, puis quand j'en suis sortie, je me suis dit « Ah, mais je comprends enfin ce que je fous sur ce coussin. Je suis en train d'apprendre à mourir. » Et depuis là, ben, je me suis dit « Ah non, mais c'est ça. » En fait, je crois que c'est un moment important, ce moment du passage. Et de vivre avec la conscience qu'on va mourir, je pense que ça, moi, ça me rapproche de la vie, en fait. Ça me rend beaucoup plus vivante. Voilà. Trop beau. Bah, du coup, on va diffuser ta chronique tout de suite. Ouais. Ben, merci. Je me réjouis. Et puis... Attends, oh. Pardon, au revoir, pas adieu. Ouais. À bientôt. À très bientôt. Dans cet épisode de la chronique du dernier souffle, je vous partage avec cœur les 3 surprenants récits de Fawzia sur des derniers souffles dont elle était le témoin. Je vous confie que le 3e n'est pas un souffle ordinaire de vivant qui s'apprête à partir et vient subrepticement remettre en question, si nous y sommes ouverts, notre conception de cette existence, mais aussi le titre même de cette chronique. Y a-t-il vraiment un dernier souffle ou celui-ci se poursuit-il pour l'éternité ? Je m'appelle Fawzia. Vous faites quoi, Archipel ? Archipel, je suis bénévole. J'adore faire le bénévolat. Je fais tous les festivals, en fait. Tout mon temps libre, maintenant que je ne travaille plus, je le consacre à me rendre utile. Et vous m'avez dit que vous aviez une histoire à me raconter sur le dernier souffle. Oui, le dernier souffle de mon arrière-grand-mère. Je me rappelle très bien. On vivait ensemble, il y avait ma grand-mère, mon arrière-grand-mère, et j'habitais avec elle. J'étais à l'époque étudiante, et je rentre de l'Uni, et je vois mon arrière-grand-mère qui se baladait devant l'immeuble. Et vraiment, elle avait fait une très très belle balade. Et puis bon, j'ai discuté un moment avec elle pour voir comment elle allait. Elle m'a dit qu'elle allait très bien. Et puis elle, on rentre, on a soupé. Puis après, on s'est couché et je l'entendais à un moment donné appeler ma grand-mère. Il faut que tu te réveilles, il faut que tu te réveilles. Et là, moi, je ne comprenais pas pourquoi, parce que c'était la première fois qu'elle faisait ça. Et elle lui a dit, je crois que c'est mon dernier souffle. C'était quelque chose d'impressionnant. Je me suis levée, puis ma grand-mère m'avait dit non, s'il te plaît, tu me laisses faire. Va, c'est pas bien pour toi, tu restes de côté. Mais j'ai quand même, je me suis levée, puis j'ai été vers écouter un peu ce qu'elle laisse raconter. Puis elle lui disait, ben voilà, je sens que c'est la fin. J'aimerais que tu m'installes comme il faut. Donc elle l'avait couchée, elle lui a mis un oreiller, puis elle était là à discuter un peu avec elle. Puis elle lui a dit, tu lâches, il ne faut pas que tu penses que vraiment c'est la fin. Tu laisses faire les choses. Et puis, à un moment donné, je l'entendais avec une très très forte respiration, mais vraiment très forte, qui faisait, moi ça m'avait secoué en fait. Et puis elle a fermé les yeux et c'était fini. C'était un truc, mais d'une... Moi, je ne m'attendais pas à ça. Je me disais, quand on meurt, ce que j'avais entendu les gens dire, que parfois on souffre, parfois... Mais elle, c'était quelque chose d'extraordinaire. Elle a fermé les yeux et c'était fini. Donc ma grand-mère, elle a tout de suite fermé les yeux, elle lui a mis les bras sur le long de son corps, et puis c'était fini. Et je lui ai dit, quand elle m'a regardée, elle a vu que j'ai tout vu en fait. Elle m'a dit, ça va, tu te sens bien? J'ai dit, oui, je suis triste. Parce que j'adorais mon arrière-grand-mère, c'était une femme qui était très forte. Elle avait une très très grande, très forte personnalité. Et je me rappelle très bien, elle venait vers moi, puis elle me disait, quand tu marches, tu lèves la tête, il faut que tu regardes en haut. Il ne faut jamais regarder en bas. Et tu tiens tes épaules vraiment bien comme il faut. Donc c'était une femme, elle a vécu jusqu'à 87 ans. Et elle n'était jamais malade. Enfin, elle avait un petit souci, elle était cardiaque, mais à part ça, c'était une femme très, très, très... Elle passait son temps à faire plein d'activités, elle était extraordinaire. Donc je garde un souvenir qui est très, très touchant. Je me dis, mourir comme ça, c'est le rêve, en fait. Que la journée, elle a passé à marcher, elle n'avait rien. Elle disait, je suis très bien, regardez comme c'est beau, écoutez les oiseaux. Vraiment, c'était un truc extraordinaire. Et puis la fin, une femme pareille. C'est magnifique. Vraiment. Ouais. En fait, les personnes proches de moi meurent comme ça. Il y a eu mon père aussi, qui était aussi cardiaque. Il était beaucoup plus âgé que ma maman. Et je me rappelle très bien, le jour de sa mort. Enfin, moi, j'étais... Oui, ils sont morts pas très... Il y avait beaucoup de différences d'années entre... J'étais encore étudiante. Et je suis rentrée pour le voir, et c'était pareil, il était allongé, et il m'avait dit, écoute, maintenant je suis hyper contente que tu aies choisi ce que tu veux faire plus tard, donc maintenant je peux mourir tranquille. Mais je dis, mais qu'est-ce que tu racontes? Il me dit, si, je sens ça. Et aussi ma mère m'avait dit, écoute, laisse, c'est pas des trucs pour toi. Et effectivement, pareil, il avait posé sa tête. C'est fou les gens qui ont des petites maladies, je dirais, parce que c'était pas très très grave en fait, meurt de cette manière, et c'était pareil. Il avait posé sa tête, puis j'entendais le truc, la même chose, un souffle, et puis après c'était fini, fermé les yeux, il était déjà mort. C'est quand même extraordinaire. Alors moi j'en rêve, je me dis, j'aimerais bien mourir comme le dernier souffle, poser ma tête, ne pas souffrir. Donc voilà, c'est magnifique. Donc les deux personnes qui étaient très proches de moi sont mortes en fait de la même manière, très très très rapidement en fait, sans souffrir. C'était ça qui était visiblement, ouais, vraiment très très joli. Donc finalement la mort peut être dans certains cas c'est une délivrance, mais dans d'autres, quand ça se passe comme ça, c'est quand même extraordinaire que vraiment de pouvoir avoir peur. Moi perso, j'ai pas peur. Quand ça viendra, ça viendra. Mais ça va être aussi simple et aussi facile. Est-ce que vous avez une croyance sur l'après? Moi, je crois à l'âme, en fait, qui revient, même les défunts aussi, parfois, s'ils n'ont pas eu une belle mort, ça arrive qu'ils reviennent prendre contact avec les personnes qui ont souffert, qui ont eu des problèmes avec. Ils reviennent. Moi, j'ai eu le cas. Mais vraiment qui était très très fort. C'est parce que moi je fais du Reiki, je suis maître Reiki, donc je travaille beaucoup avec les énergies. Et un jour, bon, il y a des petits trucs qui se sont passés avec ma mère, c'était pas super, enfin bref. Et je parlais avec une copine qui avait lu un livre sur sa mère, elle m'envoie un texte. Je le lis, elle me dit lis-le, c'est hyper intéressant. Donc je le lis la journée et le soir, je me couche. Donc j'ai juste fermé les yeux et j'entendais comme enfin une présence, il y avait quelque chose qui me dérangeait et j'ai senti comme si un poids sur mon corps, un poids léger, hein, pas très très fort, un poids sur le corps et une respiration très très forte. Ben, c'était impressionnant. Là j'avais peur. Je me disais, il ne faut pas que j'ouvre les yeux parce que je ne sais pas ce que je vais voir. Peut-être que je vais voir quelque chose qui va me faire très peur. J'étais là, ferme les yeux, reste comme ça. Et puis je lui ai dit, j'ai dit, écoute, je savais que c'était elle. S'il te plaît, j'ai pas envie que tu te mettes comme ça sur moi. Mets-toi sur le côté. J'ai pas envie de te sentir comme ça. Mets-toi sur le côté. Si t'as vraiment envie de t'approcher de moi, tu te mets sur le côté. Donc c'était votre mère? C'était ma mère qui est venue. Parce que comme on a eu des conflits, enfin bref. Et effectivement, elle s'était posée sur le côté. Et j'ai senti vraiment, elle m'a serrée. Elle est restée un bon moment comme ça. Et moi, les yeux toujours fermés. Je n'osais pas ouvrir. Puis après, elle est partie. C'est un truc dingue, hein, de pouvoir la sentir comme ça. Après, j'ai ouvert mes yeux. Et j'avais le cœur qui battait tellement fort. Je me disais, peut-être maintenant j'aurais pu ouvrir les yeux parce que j'ai fait quand même un sacré travail et j'arrive maintenant à, comme je peux parler aux êtres, enfin j'arrive à mieux gérer. Mais c'est vrai, c'était impressionnant. Le lendemain, j'ai raconté aux copines, vous savez, elle est venue. Mais non, mais si, je vous dis que j'ai senti sa présence, mais vraiment fort. Hein. Un corps qui se. Et un souffle, c'est ça qui était impressionnant. Quelqu'un qui respirait. C'est dingue. Hein. C'est incroyable. Voilà, les expériences vécues. Elle est venue demander pardon. Je pense. Ouais. Je lui ai dit parce que il y avait des. Enfin, quelques jours avant, je lui parlais tous les jours. Et puis, à un moment donné, je lui disais je te pardonne parce que tu as fait. Et après, finalement, je me suis dit il faut pardonner, ça sert à rien. Il faut son âme, en fait, se repose. Et ce qu'elle a fait de toutes les manières, si on croit au l'au-delà ou on croit au truc, elle finit par payer ce qu'elle a fait. Mais il faut que moi, de mon côté, que je pardonne. Déjà pour moi, hein, pour être en paix, moi-même, ça c'est hyper important. Et puis pour elle. Et puis bon, maintenant, de temps en temps, je lui parle et je lui dis, si tu veux revenir, tu peux. Maintenant, je peux ouvrir mes yeux et je peux te regarder. Je ne sais pas comment elle sera, mais enfin... Donc c'est assez, assez impressionnant. Pour ça, moi, je crois en l'âme. Je me dis, l'âme, elle est autour de nous. Hein. Il y a des êtres. C'est vrai, hein, on ne les voit pas. Parce que si on n'est pas très connecté, on ne voit rien. Mais sinon, il y a plein de choses qui existent autour de nous. C'est extraordinaire. Hein. On pense à toutes ces énergies, à tout ça. Donc l'âme, elle est là. Hein. Merci beaucoup, Vania. Merci, Vania.